Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Vers l'arc-en-ciel. Poème en vers libre du chevalier à la rose. C'est à la croisée des chemins que tu as lâché ma main, me soufflant doucement des mots réconfortants. Regarde, je prends ce chemin-ci, et toi, celui juste à côté que voici. Et tu me promis que, bien que l'on serait éloigné, nous marcherions ensemble dans la même direction, droit vers cet arc-en-ciel qui était notre destination. Enfin, tu me demandas de faire confiance à la destinée. Nous suivîmes donc deux routes différentes, mais jumelles, et je jetais souvent des regards de côté pour te revoir, si belle. Nous ne pouvions nous entendre ni nous toucher, mais pouvoir te voir chaque fois me réconforter. Puis, sans prévenir, une nuit d'encre recouvrit le paysage. Je stoppais alors, pensant qu'attendre était plus sage. Et lorsque, enfin, le jour revint, je ne te vis plus. Scrutant les alentours, je t'aperçus au loin, perdu. Tu avais poursuivi ton avancée malgré l'impénétrable obscurité, et tu avais changé de chemin, aveuglé, poursuivant sur une autre voie, égaré. Impuissant, je pus seulement te regarder t'éloigner. Jamais je n'aurais dû lâcher ta main dans ce récent passé. Depuis lors, vers notre arc-en-ciel, je continue de progresser, espérant qu'à un moment tu l'apercevras et te souviendras, et que, par un chemin de traverse, notre avenir tu rejoindras, car, moi, c'est à tout jamais que, à son pied, je t'attendrai.